5 millions et le verset sur Sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Ici Luqman al-Hakim il ordonne son fils de faire as-salah, la prière. Et on avait cité cette règle-là qui était at-takhliyatu qabla at-tahliya. Et qu'est-ce que ça veut dire at-takhliyatu qabla at-tahliya? C'est quoi at-takhliyatu qabla at-tahliya? Personne n'était là. Il n'y a personne qui était là la semaine dernière. Ma ma'na at-takhliya. Wa ma al-murad bit-takhliya qabla at-tahliya. Ah, vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'était d'autres personnes. C'était un autre Fura, c'était un autre Al-Wahid, c'était un autre Uthman, c'était un autre Dinar. C'était un autre. Défaire de chiffres pour ensuite la réparation. Ma ma'na at-takhliya. Donc il n'y avait qu'une personne qui était ici, Mohamed. ما معنى التخلية؟ التخلية la purification قبل التحلية avant l'ornement. Donc التخلية قبل التحلية. Pourquoi on a cité cette règle ici? Non. Donc il y a al-muhim, le plus important et le moins important. On ne dit pas le plus important et ce qui n'est pas important. Tout est important fil islam. Tout est important en islam. Mais il y a le plus important et le moins important. Le plus important c'est at-tahliya. Et le moins important at-tahliya. Wadi. Et Allah Jalla Jalaluhu yaqulu fi kitabihi al-aziz yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ma ma'na al-qalb Salim. Ici, c'est quoi le cœur pur ou le cœur saint? Mohamed? Non, c'est le cœur qui est purifié de quoi? Qui est purifié de al-shirk. Donc, on doit, ici, on rentre dans al-tahara. Taharatu, al-taharatu min al-shirk, wa al-taharatu min al-kufr, wa al-taharatu min al-ma'asi, wa al-taharatu min al-hasad, wa al-taharatu min al-hasad. يعني حتى يكون القلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. D'accord. Donc le jour où ni les biens et ni les enfants ne profiteront quoi que ce soit, d'accord, sauf celui qui rencontrera Allah عز وجل avec un cœur بقلب سليم, un cœur saint. C'est le cœur qui a été purifié, d'accord. Donc cette personne là qui a purifié son cœur, il a fait at-tahara, d'accord. Il a purifié son cœur, il a fait une purification, il est entré dans ce qu'on appelle at-tahliya. D'accord? Qabla at-tahliya. Il a purifié, d'accord, son cœur de toutes ces choses mauvaises et particulièrement de al-shirk. Ensuite, il y a l'ornement at-tahliya. Wa bada al-Luqman bit-tahdhir min al-shirk. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh, mon enfant, ne donne aucun associé à Allah Azza wa Jal, car certes, l'association, hein, shirkun azim, c'est une grande, yani vraiment azim, une grande injustice. Donc ici on commence toujours par la purification avant l'ornement. Donc on ne s'oublie pas soi-même avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On s'occupe d'abord de soi-même et ensuite bi'idnillah azza wa jalla, on s'occupe des autres. Ça rentre dans at-takhliya qabla at-tahliya aussi. Na'am, li'anna al-amr bil-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar wa ad-da'wa ila Allah azza wa jalla, kullu dhalika min al-'ibadat. D'accord, tout ceci fait partie des actes d'adoration, de l'adoration. Naam. Donc on avait dit at-tahliyatu qabla at-tahliya. Naam. Donc ensuite il a ordonné son fils à faire la prière. Aqim as-salah wal amru lil wujub. Il lui a ordonné de faire la prière. Et on a dit le prophète alayhi salatu wa salam a dit ordonnez à vos enfants de faire la prière à quel âge? À 7 ans. Donc à 7 ans, c'est obligatoire pour les parents d'ordonner aux enfants de faire la prière. S'ils meurent à 7 ans, bien sûr, ils ne rendront pas de compte sur la prière. Voilà, si ton enfant est mort à 9 ans et tu ne lui as pas ordonné de faire la prière à 7 ans, c'est toi qui en rendras des comptes, d'accord, sur ce manquement. D'accord, il y a eu un manquement. Donc c'est une responsabilité qui t'incombe à toi, au tuteur, au responsable de famille, c'est avant tout le père et aussi la mère. Les parents doivent ordonner, et de quelle manière? Bil hikmati wal mu'idati al hasana, comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran al-Karim, quand il a ordonné de faire ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. D'accord, quand il a dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana, d'accord, wa da'watu ila Allah azza wa jalla min al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ça fait partie du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et Allah nous a ordonné ad-da'watu ila Allah azza wa jalla bil hikmati wal mu'idati al hasana bil kibari was sighar, avec les petits et les grands. Donc on doit ordonner à nos enfants avec sagesse et bonne exhortation, on doit leur ordonner de faire la prière à 7 ans. Et ordonner à des enfants avec sagesse et bonne exhortation de faire la prière à 7 ans, ça veut dire on doit leur donner envie et on doit les motiver et on doit les récompenser pour pouvoir faire cette prière avec amour. Car nous, on adore Allah Azza wa Jal ici par amour et par crainte. D'accord ? Quand toi tu crains une personne, tu fuis de lui. Walakin celui qui craint Allah Azza wa Jal, il fuit vers lui. Et c'est là la différence. Allah Azza wa Jal, on le craint et on l'aime. Tandis qu'une personne, si tu le crains, tu vas fuir de lui. Allah, plus tu le craindras et plus tu fuiras vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit avoir ce qu'on appelle donc l'amour et la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala et éduquer nos enfants sur cet amour et cette crainte d'Allah Azza wa Jal. Et pour que nos enfants aiment Allah Azza wa Jal, il faut les motiver et leur donner envie. Et leur donner envie en leur montrant les mérites à leur niveau de la prière, la récompense de la prière, leur donner des exemples d'enfants vertueux. Donc ici à travers les récits prophétiques ou les histoires des compagnons ou les histoires de Sahaba, ou bien même tu peux aller jusqu'à même ici de temps en temps lire des histoires entre guillemets, Bayna Qawsayn ici, imaginaire. Des histoires imaginaires. C'est-à-dire, tu mets l'intention que ça soit bénéfique pour l'enfant, awalan, que cette histoire, c'est possible qu'elle se passe, et c'est pour motiver l'enfant. Par exemple, tu prends des histoires que tu résumes toi-même, ou bien que, ici, ils ont déjà été résumés ou écrits. Et imaginaires, d'accord, qui n'ont pas eu automatiquement lieu. Et ici tu racontes à ton histoire. Il était une fois un petit enfant qui faisait la prière et tellement que son père était heureux de lui et hakada. J'invente, hein. Donc ici tu as le droit de faire ça comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala wa ghayruhu min ahli al-'ilm. Donc les histoires ici c'est autorisé quand c'est pour à but éducatif, dans le but de l'éducation qui a un intérêt de raconter ces histoires, de plus que ces histoires-là peuvent avoir lieu et nous on espère raconter ces histoires à nos enfants pour que eux ils prennent exemple, d'accord, et qu'ils imitent la personne ou les personnes imaginaires qu'on a citées dans ces contes, d'accord, comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala plus d'une fois, il l'a autorisé. Ala kulli hal, tout ce qui est autorisé pour motiver les enfants pour qu'ils puissent aimer la prière, il faut le faire, mais il faut leur donner envie, d'accord, et les récompenser de temps en temps et de leur donner l'amour de la prière et de leur donner l'amour de la prière pour que ça soit quelque chose de très naturel et qu'ils ne puissent plus s'en détacher. D'accord? Ils arrivent à 10 ans, khlas, même si toi tu lui dis ne fais pas la prière, il ne pourra pas la détacher. Parce que tu l'as éduqué dans quoi? Sur la crainte et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut donner envie à nos enfants. Être autoritaire, na'am, il faut. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être violent pour être autoritaire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut céder à tous les caprices des enfants en partant à l'autre opposé? Non. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, c'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. Il faut avoir un juste milieu, c'est-à-dire ni on cède à tous leurs caprices, voilà qu'il y a à côté on est autoritaire quand il faut l'être, d'accord, on est autoritaire quand il faut l'être. Et être autoritaire, ça ne veut pas dire frapper, ça ne veut pas dire obligatoirement frapper, être méchant, être réprimandé tous les deux secondes l'enfant, non, voilà qu'il ici il faut adopter un juste milieu. Quand il fait quelque chose de bien, on le récompense. Et ici, on le remercie et on le motive. Et même de temps en temps, on fait un peu son éloge. Car l'insan, il aime bien qu'on fasse un peu son éloge de temps en temps. Donc ici, l'enfant, de temps en temps, fait son éloge. Et son éloge devant d'autres enfants pour qu'il soit content et qu'il se concurrence dans le bien. D'accord ? Pour qu'il se concurrence dans le bien. Et ici, quand on voit qu'il fait quelque chose de mal, là, on le réprimande. Ça ne veut pas dire on le frappe. Ça ne veut pas dire ici, mais on est autoritaire. S'il faut prendre sa main et lui donner une tape dans sa main, est-ce qu'on peut le faire? Non, il n'y a pas de mal. Parce que ici, la tape, est-ce que c'est une tape pour lui faire mal ou c'est une tape pour l'éduquer? Il y a une différence entre darbu ta'dib et darbu ta'dib. La tape est frappée pour faire mal et frappée pour éduquer. Frapper pour faire mal, c'est si tu veux frapper une personne, tu vas faire frapper de toutes tes forces. Ton but, c'est qu'il ait mal. Non, non, il n'y a pas de ça en islam. Abadal. Mais il y a la frappe d'éducation. Tu prends sa main, tu lui mets une petite tape dans la main. D'accord? Pour lui montrer, khlas, là, j'ai collé ma main à ta main, c'est que j'ai monté de niveau. Mais dans l'éducation, il faut arriver à cette dernière étape, d'accord? Que quand vraiment il a dépassé les limites. Et il faut pas que ça devienne quelque chose d'habituel, d'accord? Parce que sinon, pour lui, ça va être adi. Si tu frappes toujours l'enfant, c'est-à-dire, je le dis, quand je dis frapper, c'est d'éducation. Tu le tapes toujours dans sa main. Une petite tape comme ça, une tape comme ça, une tape comme ça. 10 fois dans la journée. Pour lui, adi. Tu l'as tapé dans la main 50 fois ou 60 fois, khlas, peu importe. Mais si ça, tu as respecté des étapes avant d'en arriver là, quand tu vas frapper un peu sa main, ici, ça va, il va être choqué. D'accord? C'est juste le principe que tu as fait, tu as monté de niveau. Ah, t'as levé la main sur sa main, tu l'as frappé une petite tape même sur la main, pour lui il va être choqué parce qu'il n'est pas habitué à avoir cette tape sur sa main là. Et c'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Il faut respecter des étapes. La première étape, être autoritaire avec le regard. Et ça c'est la meilleure des autorités que peut avoir le père ou la mère. Si tu arrives à être autoritaire envers tes enfants, ne serait-ce qu'avec le regard, tu as presque tout gagné dans l'éducation de tes enfants. D'accord? Je ne parle pas au niveau des actes d'adoration, etc. Non, mais au niveau de l'obéissance. Tu as presque tout gagné. Parce qu'il suffit d'un regard sévère et l'enfant, khlas, il a tout compris. Hop, hop, hop, là j'ai dépassé les limites. Si, alhamdoulilah, tu arrives à éduquer ton enfant, qu'avec ça, être sévère en le regardant et en restant le fixé et en étant autoritaire à travers ton regard, alhamdoulilah, si il arrive à se réformer, mashallah, khlas, hada yakfi, et ça c'est le meilleur. Parce que tu n'as pas besoin de d'osser le ton. T'as pas besoin de lui mettre une tape à la main, t'as pas besoin de le réprimander, t'as pas besoin de parler, juste un regard. Khlas. Si tu vois que ça ne marche pas, à ce moment-là, tu l'exhortes. Attention. Si tu refais ça, assume tes responsabilités. Si tu vois qu'il continue, à ce moment-là, tu le prives de ce qu'il aime le plus. Punition. Là, tu lui mets des punitions. Tu le prives de ce qu'il aime le plus. Troisième étape. Par exemple, il aime jouer à un jeu, je ne sais pas, tu lui enlèves ce jeu-là. Il voulait sortir dehors, non, tu le prives de sortir. Il aime, par exemple, je sais pas, des choses, tu le prives de cette chose-là. D'accord? Si tu vois qu'il persiste, à ce moment-là, tu montes un peu le ton. D'accord? Si tu vois qu'il persiste, à ce moment-là, tu arrives à la dernière étape, une petite tape dans la main. Si, à ce moment-là, il se réforme pas, khalas, ça c'est sûr et certain que tu dois laisser tomber l'éducation envers ton enfant et tu dois t'éduquer toi le premier. C'est qu'il y a un problème chez toi. Ça, c'est que il y a un problème chez toi. C'est pas possible. Si l'enfant, tu vas jusqu'à la table, et ici, il ne se réforme pas, ne dis pas, bon, j'ai fait une tape dans la main, maintenant, il faut que je le frappe violemment. Non, abadan, nous, l'islam, on est contre ça. D'accord? Bien que certains musulmans le font, nous, on est contre. Nous, faire une tape dans la main, oui. Mais aller faire frapper pour faire mal, non, nous, il n'y a pas de ça. Donc, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. C'est qu'il y a un problème. Réforme-toi, toi. D'accord? Donc, ici, toi, tu as un problème dans ton éducation, dans ton comportement qui se reflète dans le comportement de l'enfant, ou bien tu as accumulé tellement de péchés comme Atadine ou Toudel, ou bien tu as fait du mal ou tu fais du mal à tes parents et Allah subhanahu wa ta'ala te fait payer ce mal-là à travers tes enfants. Akada, il y a quelque chose. D'accord? Voilà qu'il faut se remettre en question nous-mêmes. Avant l'éducation des enfants, pendant l'éducation des enfants et après l'éducation des enfants. Et c'est pour ça que Jabir radiallahu anhu arda, il disait, Allah azza wa jalla rend l'enfant pieux, il fait d'un enfant un enfant pieux quand son père est pieux et vertueux. D'accord? Si le père est vertueux, bi'idnillahi azza wa jalla, l'enfant sera vertueux. Hadi qa'ida, c'est une règle générale, amma. Walakin, il y a des exceptions. Noah, alayhi salam, avec son fils, etc. Il y a des exceptions. Walakin, en général, c'est ça. Et plus les parents seront pieux et vertueux, bi'idnillah azza wa jalla, utiliseront les causes. D'accord? Comme il se doit pour éduquer ses enfants, et plus les enfants seront pieux. Donc de là, nous disons, si tu arrives à un stade où ton enfant ne veut pas du tout se réformer, remets-toi en question et éduque-toi avant de vouloir éduquer tes enfants. Donc on a dit, ici, concernant les enfants, on doit les éduquer depuis leur plus jeune âge sur la prière. Ya Bounay. Ah, il dit Bounay. Donc on parle d'un jeune enfant. Donc ici, Luqman, il dit Ya Bounay, aqimis salat. Ya Bounay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Donc on commence par le tawhid. Et ensuite, donc ici, on a retrouvé les cinq piliers de l'islam, on l'a déjà cité. D'accord? Et là, on arrive à quoi? As-salat. Ah, l'acte d'adoration le plus important, ba'da tawhid, c'est la prière. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. D'accord, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a mis en garde sur le fait de délaisser la prière. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. D'accord, puis des générations les succédèrent qui abandonnèrent, délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ah, فسوف يلقون غيا. Ils retrouveront quoi? الغي. فمن أهل العلم قال, c'est quoi الغي? Un fleuve en enfer, afwan. Et c'est pour qui? C'est-à-dire délaisser. Négliger. C'est même pas délaisser totalement. Que dire de celui qui la délaisse totalement? Donc, un fleuve en enfer, d'après certains exégètes ici, pour celui qui quoi, qui a délaissé. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَأَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُوا الشَّوَاتُ فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمَنْ قَالْ يعني لم يتركها بالكلية. Il ne l'a pas abandonné totalement. Mais simplement, يعني, قد تغفل عنها. قد تغفل عنها. Il a été insouciant. Il a délaissé. Il a négligé. Donc la prière. Que dire que pour celui qui la délaisse totalement? Allahu musta'an. Donc ici, on doit ordonner nos enfants, dès leur plus jeune âge, à la prière. 7 ans. 7 ans, les gens de science disent que c'est un âge, ça c'est en général, c'est l'âge de la distinction. Ça, ils commencent à distinguer entre le bien, بين الحق والباطل, le vrai et le faux, بين الحلال والحرام, entre le licite et l'illicite. Il comprend mieux les choses à partir de 7 ans, sur règle générale. Donc, quelquefois, tu vas avoir un enfant de 5 ans, il va différencier bien entre le halal et le haram, et entre le faux et le mauvais. Et un enfant de 9 ans, il n'arrivera pas. Donc, en général, c'est 7 ans, mais ça peut être un peu moins, un peu plus. Claire, c'est pour ça, le prophète Aïssam, il a pris l'âge de 7 ans. Donc il y a une raison, il y a une hikmah dans le fait de citer l'âge de 7 ans aux gens quand on les exhorte dans l'éducation des enfants. Clair. Car le prophète alayhi salatu wa sallam ne parle pas poussé par sa passion, mais il parle avec révélation, il a cité 7 ans. On est d'accord. Donc ici, 7 ans, c'est l'âge de la distinction. D'accord? C'est pour ça que par exemple, les gens de science, ils disent, si on est dans un tribunal islamique, donc ici, al-Jumhur, ils disent qu'un enfant, quand il y a un divorce, à l'âge de 7 ans, à ce moment-là, à 7 ans, on demande son avis. D'accord? Al-Qadi, le juge, il demande l'avis de l'enfant avec qui il veut aller, avec son père ou sa mère, à quel âge? Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahmahullah ta'ala, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahmahullah ta'ala, à l'âge de la distinction, c'est-à-dire 7 ans. Et en dessous de 7 ans, bien sûr, les règles sont claires, comme le prophète alayhi salam l'a dit, tant que la femme ne se remarie pas, la garde principale revient à la mère, et dès qu'elle se remarie, le prophète alayhi salam l'a dit, la garde elle revient au père. C'est pas total, c'est la garde principale. Donc, à la kulli hal, 7 ans, c'est la distinction, normalement, c'est l'enfant qui choisit. Et l'enfant, il choisit, mais le qadi, il regarde. Quelle est la vie de l'enfant? Si l'enfant, ici, il a choisi son père ou sa mère, d'accord? Soit son père, soit sa mère, alors que les deux sont dans la religion, bien investis dans la religion, khlas, il laisse. S'il y en a un qui est très loin de la religion, l'autre qui est bien investi dans la religion, il a choisi celui qui est très loin de la religion, donc à ce moment-là, le qadi, il dit non, tu restes avec celui qui est investi dans la religion. Dans un tribunal islamique, dans un pays islamique, normalement, ça c'est au niveau, yani, shar'an, au niveau de la législation islamique. Clair? Donc ici, 7 ans, c'est l'âge de la distinction. D'accord? À l'âge de 7 ans, les gens de science ont tiré certaines règles de l'âge de 7 ans. Parmi ces règles-là, al-atfal, les enfants, quand on dit al-atfal, on parle des enfants. D'accord? Ça peut être plus jeune ou moins jeune, mais c'est en général les jeunes. Et ça peut être utilisé quelquefois pour l'enfant aussi qui vient de naître, al-tifl. Et autrement, ça peut être dit pour un enfant de 7 ans, 10 ans, 11 ans. Al-tifl aussi, yuqal. Ça c'est dit aussi. Donc on dit al-atfal, les jeunes. Est-ce qu'ils ont droit de venir et de rentrer dans les mosquées? Il y a plusieurs hadiths où le prophète alayhi salatu wasalam a interdit au fou, al-majnoun, et à l'enfant, d'accord, de rentrer dans des mosquées, de rentrer dans la mosquée. Walakin, tous les hadiths, ils sont daïfs. Tous les hadiths, ils sont faibles. Donc on n'utilise pas ces hadiths-là. Ah voilà. Donc ici, nabni hukm, on construit un jugement que sur des hadiths jugés bons ou authentiques. D'accord? Donc ça c'est le travail des gens de science. Donc on dit, comme disent les gens de science, tous ces hadiths sont faibles. Donc pour savoir quel est le jugement du fait de l'entrée de l'enfant à la mosquée. D'accord? On va regarder les hadiths authentiques et aqwal al-ulama. Et pourquoi on est obligé de traiter ce sujet? Parce qu'un enfant, quand on sait qu'à 7 ans, il doit faire la prière, ça veut dire qu'à 7 ans, on doit lui ordonner de faire la prière avec bonne exhortation, douceur et sagesse. Mais automatiquement, on dit aussi, on doit le pousser à venir prier où? À la mosquée. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. قَوْلُ الرَّاجِحِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ D'accord? الصَّلَاةُ يعني فِي جَمَاعَةٍ وَاجِبٌ C'est obligatoire, إِلَّا يعني مِنْ عُذْرٍ D'accord? Sauf s'il y a une excuse valable. Mais قَوْلُ الرَّاجِحِ la parole prépondérante, comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya وغيره من أهل العلم, c'est que la prière en groupe est obligatoire, sauf si on a une excuse valable, malade, voyage, etc., etc. Donc à la kulli hal, donc il faut à 7 ans aussi, donc prière, qui dit prière dit groupe. Donc on doit le ramener à la mosquée. Mais comment il doit faire? Est-ce qu'il prie dans les rangs avec les gens ou est-ce qu'il ne prie pas? Et comment on doit, yani comment doit se comporter cet enfant-là? Donc première des choses, nous avons dit, on doit éduquer nos enfants. D'accord? C'est qui? C'est avant tout le père et la mère à la maison. On doit lui apprendre à faire al-wudu. On doit lui apprendre al-tawhid. On doit lui apprendre les bonnes manières. On doit lui apprendre le bon comportement, etc., etc. D'accord? Donc ici, on doit lui apprendre à se comporter bien avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les gens. Et vous allez voir que les actes d'adoration qu'Allah il a légiféré, ils sont tous liés à quoi? Et ça nous renvoie toujours vers quoi? Comme a dit alayhi salatu wa salam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, comme fi sahih. J'ai été certes envoyé pour parachever ou pour compléter les bonnes manières. As-salat, la prière. Pourtant, c'est un lien entre toi et Allah Azza wa Jal. Mais on fait la prière, écoute bien, Allah qu'est-ce qu'il dit sur la prière? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ah, le comportement. La prière, elle va t'éloigner de quoi? Ah, du mauvais comportement, des turpitudes et du blâmable. D'accord? Donc ici, quand on, Allah il nous impose az-zakar, c'est pourquoi? Pour éduquer son âme. Et az-zakar c'est quoi? C'est que tu dois donner de l'argent aux pauvres. Ah, comportement encore. D'accord? As-siyam, pareil. As-siyam, tu fais le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, dans le jeûne, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il nous dit sur le jeûne? Allah azza wa jal n'a que faire de quoi? D'un jeûneur qui s'est privé de... D'accord? Qui s'est privé de boire et de manger, mais à côté de ça, il ment. N'a que faire. Donc ici, ça, c'est pour t'éduquer encore. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est un mois d'éducation. C'est pour ça que le prophète Ali Sam, il dit pendant le jeûne, si tu jeûnes, si quelqu'un te combat ou t'insulte, tu dis quoi? Inni sa'im. Un comportement encore ou pas? Exemplaire. Contrôler sa colère. Exemplaire. Donc tous les actes d'adoration nous renvoient dans quoi? Ça nous éduque. À quoi? À avoir un bon comportement. D'accord? À avoir un bon comportement. Donc ici, on en revient à l'éducation des enfants. On doit les éduquer dans les bonnes manières, la prière, etc., etc. Et quand on les éduque à faire la prière, avant tout c'est à la maison. Mais quand ils ont 7 ans, à ce moment-là, on doit leur ordonner de faire la prière. Donc, ils doivent venir à la mosquée. Quand ils peuvent. Mais quand ils viennent à la mosquée, à 7 ans, donc ils doivent obligatoirement faire la prière, donc automatiquement, ils savent faire les ablutions, ils savent faire la prière. Donc à ce moment-là, قَوْلُ رَاجِحْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ils ont droit d'être dans le premier rang. Et ici, le mieux, c'est de mettre les personnes âgées, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, derrière l'imam et les plus instruits pour, s'il y a un problème dans la prière, il perd ses ablutions et autres. Donc les gens qui sont juste derrière lui le remplacent, ou le corrigent dans la prière s'il se trompe, etc. Voilà qu'il est dans le premier saf, قَوْلُ رَاجِحْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ comme dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, on n'a pas le droit de les enlever. Tu diras, toi t'es un petit, allez, passe derrière le rang. Non, khalas. Ici, il a l'âge de la distinction. Donc il est dans le premier saf, tu le laisses. Il t'a devancé, tu le laisses dans le premier rang. Clair. Mais là, il a quel âge? Il a 7 ans. D'accord, il a 7 ans. Revenons maintenant sur le hukm, le jugement, de l'entrée des enfants à la mosquée. De l'entrée des enfants à la mosquée. Dans un hadith de Bukhari et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de kana yakhtub. Yani, yawm al-jumu'ah, le jour du vendredi. وهو كان على المنبر. Et il a vu Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont, c'est qui Al-Hassan et Al-Hussein? Ces deux petits-fils. Les fils de qui? Ali. Ali radiallahu anhu wa rada et sa fille Fatima. Et ici, ils avaient un vêtement rouge et ils étaient en train de jouer. Ou ils étaient devant. On va dire plutôt. Ils étaient devant lui. D'accord? Donc ils étaient devant et lui il faisait le khutbah de Jumu'ah. Tellement qu'il les aimait, il a dit, il s'est arrêté. Il a dit, Sadaqa Allah. Allah a certes dit la vérité quand il dit, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Ah, vos enfants, vos biens et vos enfants sont une fitna, une tentation. Il est descendu du minbar, il les a embrassés, il les a pris les deux, il les a montés avec lui sur le minbar. Alayhi salatu wa salam. Deux enfants, pendant le minbar. On aurait dit, oh, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, il a le wahi, et c'est le meilleur des hommes sur la surface de la terre. Et, non, regardez. Ar-Rahmatul Muhda. Man la yarham, la yurham. Irham man fil ard, yarhamuka man fil sama. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux te fera miséricorde. Il est descendu et il les a pris. Première preuve. Donc ça c'est une preuve qu'il y avait des enfants dans la mosquée. Continuez avec moi. Il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam, il est connu. Il est rapporté qu'il entendait l'enfant pleurer chez les femmes et chez qui? Chez les femmes. C'est quoi la preuve que l'enfant qui pleurait il était chez les femmes? Non, c'est pas la preuve. Non, c'est parce que le prophète lui a dit qu'il a eu pitié pour sa mère. Ah. Le prophète, alayhi salatu wasallam, il a accéléré la prière pour pas, yani, que sa mère éprouve quelque part avec, ici, traduction dans le sens, éprouve du mal. D'accord? Donc pour pas qu'elle éprouve un mal, pour pas porter, regardez, quelque part un préjudice à la mère. Ah, et donc l'enfant, il était avec la mère, pas avec le père. D'accord? Donc ici, c'est une preuve qu'il y avait des enfants qui étaient à la mosquée. Clair? Là, de ce côté, on a une preuve. Walakin, de l'autre côté, on a d'autres preuves. De l'autre côté, on a d'autres preuves. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, comme il le relatait dans Sahih Muslim, il a dit que l'un d'entre vous n'ose pas la voix biqira'atil Qur'an, en récitant le Qur'an. D'accord? En récitant le Qur'an al-Karim. D'accord? Pour pas déranger son frère. Donc le prophète, il a interdit de déranger son frère en haussant la voix pendant qu'on récite le Coran al-Karim. Hatta qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, d'accord? Idha ya'ni wajadtum fil masjid man yarfa' sawtahu bi qira'ati al-Quran fa akhrijuh. Si vous trouvez quelqu'un dans la mosquée qui récite le Coran al-Karim, wa yarfa' sawtahu, ya'ni hatta yushawwish 'ala al-akharin, jusqu'à ce qu'il perturbe les autres personnes. D'accord, il n'est pas tout seul. D'accord, il n'est pas tout seul à la mosquée. Non, il y a des gens qui sont à côté. Un, il va lire le hadith. L'autre, peut-être, il va faire salah. L'autre, peut-être, il va lire le Coran. Et lui, il est à côté. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Il va déranger l'autre ou pas? Le prophète, il a interdit. Regarde, même avec, ici, le Coran al-Karim. De perturber les gens avec le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'il a interdit d'hausser le ton avec, en récitant le Coran, pour pas déranger les autres. Mais quand tu es tout seul, khalas. Quand tu es tout seul, il n'y a pas de mal. Mais là, quand tu es avec des gens dans une mosquée haute, tu ne dois pas les déranger avec, ici, la récitation du Coran en haussant le ton. C'est pour ça que al-ulama, wa minhum, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa minhum, Sheikh al-Uthaymiyyah rahimahullah ta'ala, wa minhum, Ibn Jibrin rahimahullah ta'ala, et d'autres gens de science, et ils ont dit que, en réunissant les preuves, nous disons que les enfants, ils ont droit de rentrer à la mosquée. Ad-Dalil, les deux preuves que je vous ai citées tout à l'heure. D'accord? Et celui qui nous dit oui, mais le prophète a interdit de rentrer, de laisser rentrer les enfants à la mosquée, nous disons tous ces hadiths, ils sont faibles. Et en plus, ils contredisent des hadiths qui sont authentiques. Voilà qu'il de l'autre côté, donc rentrer, les enfants rentrent à la mosquée, il y a droit. De l'autre côté, on a des preuves comme quoi, même en lisant Al-Qur'an al-Karim, ce qui est demandé. Et les mosquées, elles ont été créées pourquoi? Ils ont été construites pourquoi? Pour al-dhikr, pour al-salat, qira'at al-Qur'an, wa ma'ashbaha dhalik, tout ce qui concerne le rappel d'Allah Azza wa Jalla, lire le Coran. Et ben même ce qui est autorisé, et le but pour lequel a été construite la mosquée, la récitation du Coran, si avec cette chose qui est à la base licite, tu déranges ton frère dans la mosquée, ça y est, tu la laisses. Donc, en alliant les hadiths, et c'est ça, ce que doivent faire les gens de science. Quand il y a des hadiths qui se contredisent, d'accord, de façon apparente, d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils se contredisent totalement, mais de façon apparente, ils font tout pour allier les hadiths qui se contredisent de façon apparente. Et ils déduisent en disant, ici, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Ils disent, laisser rentrer des enfants, c'est autorisé, mais laisser rentrer des enfants qui perturbent à un point où les gens ne se concentrent plus dans leur prière, ou bien il y a un risque de laisser les enfants rentrer dans la mosquée, et comme on va citer les risques, à ce moment-là, c'est interdit de laisser rentrer les enfants dans la mosquée. Cheikh Al-Uthaymin, rahmallahu ta'ala, il dit, l'enfant, on le laisse rentrer à la mosquée à 7 ans, ceci est clair. Car le prophète a ordonné aux parents d'ordonner l'enfant à faire la prière à 7 ans. Donc il dit c'est un âge de distinction. Donc à cet âge-là, il se contrôle plus l'enfant. Il comprend mieux, d'accord, ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est bien de faire, ce qui est pas bien de faire, le comportement, le respect, qu'on est dans une mosquée, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, que c'est l'heure de la prière, qu'on doit prier, etc. Claire. Premièrement, parce que c'est l'âge de la distinction. Deuxièmement, parce qu'il doit faire la prière normalement ou pas. Logiquement, il a la prière pendant ce temps-là. L'enfant, il est où? Il est dans... il est dans le rang. Donc il prie, il ne peut pas déranger. D'accord? Donc à ce moment-là, il dit, il n'y a aucun problème. Il dit, si c'est en dessous de 7 ans, il dit, tu peux le laisser rentrer à la mosquée. Et ça, c'est la vie d'Ibn Taymiyyah, c'est la vie d'Ibn Jibril, rahimahullah ta'ala, parmi les contemporains, la vie de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et l'homme d'Ahl al-Ilm. Ils disent, tu peux le laisser rentrer à la mosquée, bishart. D'accord? La yushawwish ala al-musallin. Il ne perturbe pas les prieurs. Ça veut dire quoi, perturber les prieurs? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il faisait al-khutbah. Khutbah al-jumu'ah. Et ici, al-Hassan et al-Hussein, ils étaient devant lui. Et il est rapporté qu'ils étaient, c'était des petits enfants. Donc, ils étaient devant lui. Les savants disent, bien sûr, qu'ils devaient peut-être se lever. Peut-être qu'ils devaient marcher un peu dans la mosquée. Peut-être qu'ils veulent. Mais on n'a aucune preuve qu'ils dérangeaient, ou ils criaient, ou ils urinaient, ou ils cassaient, ou ils frappaient, on n'a aucune preuve. Donc, le fait de voir des enfants marcher dans la mosquée, courir un peu, sans déranger trop, même s'ils rigolent un peu, etc. Man la yarham la yurham. Ici, il ne faut pas agir avec dureté dans tous les cas, même s'ils font des erreurs, les enfants. D'accord? Donc, ici, on les traumatise pas. Parce que si on les fait fuir de la mosquée, ici, l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être éduqués où, nos enfants? Donc il faut leur donner, on a dit tout à l'heure, leur donner l'amour. Ah, l'amour. Donc laisse-le grandir avec cet amour de la mosquée. Quand tu grandis, je me rappelle, moi, de toute mon enfance, je l'ai passé à la mosquée. Ça ne veut pas dire enfermé. Mais j'aimais bien aller à la mosquée, alhamdulillah. Voilà qu'il y a des limites. Les principales responsables, dès que l'enfant, il rentre dans la mosquée, c'est qui? C'est le responsable, c'est le père. Ça veut dire que tout ce que l'enfant va faire à la mosquée, tout ce que l'enfant va casser, tout ce que l'enfant va faire de mal, c'est le père qui endosse la responsabilité. Et qui en prend le péché s'il a été la cause, d'accord, que des gens n'ont pas pu prier par exemple. C'est-à-dire si l'enfant a été à un tel point où il a vraiment crié, il a vraiment dérangé. Celui qui prend le péché, c'est qui? C'est le père. Ou alors la mère qui l'a ramené cet enfant. C'est pour ça, les gens de science disent, dès que l'enfant rentre, c'est le père le responsable ou la mère, celui qui l'a ramené. S'il casse quelque chose, c'est le père qui doit rembourser obligatoirement. Comme dans le fiqh, quand on va le voir, et on l'avait déjà vu avec les frères, si un enfant casse quelque chose qui t'appartient, toi par exemple, je sais pas, tu as une montre, d'accord, et tu l'as posée, et un enfant l'a pris, et tu l'as pas posée dans un endroit où, ici, il ne fallait pas que cette chose-là soit dans cet endroit. Par exemple, tu as oublié vraiment au milieu, comme ça, par terre, et l'enfant il courait, donc, non, c'est vraiment tu l'as posée dans un endroit sécurisé, l'enfant il est venu, il l'a pris, il l'a cassé. Est-ce que tu as dit, oh, Allah là-bas, رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحترم. Ici jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc ça veut dire mon frère, c'est pas grave, la ralib il rend pas de compte. Non, c'est toi le mas'oul, le père rembourse. Le père il doit rembourser. كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. C'est toi le responsable et c'est toi qui dois assumer les dégâts de ton enfant. Wadi, on continue. Pour bien comprendre le sujet. Donc, les enfants, on les laisse rentrer s'ils ont 7 ans. Mais à 7 ans, ils doivent obligatoirement prier. C'est pas ils viennent, ils restent jouer à droite et à gauche. Non, prier, salat. Ils doivent obligatoirement prier avec al-wudu. C'est obligatoire. Donc, ils doivent connaître ahkam al-wudu, les règles, d'accord, les jugements de l'wudu, quand ça s'annule, nawaqid al-wudu, etc. Donc il doit savoir prier avec l'wudu, il prie. À ce moment-là, personne n'a le droit de sortir durant l'enfant. Même du premier sort. Personne n'arrive, il dit sort, ba'ad, laisse-moi. Moi je suis là. T'avais qu'à venir plus tôt. D'accord? Donc maintenant, si l'enfant il vient avant 7 ans, et ici, cet enfant-là, il joue mais il sait se tenir. Et il arrive à se tenir pendant la prière. Quitte à même s'il se lève un peu, mais il ne dérange pas. Regardez les conditions qu'il a données, Ibn Jibrin, rahimahullah ta'ala. Cheikh Jibrin, rahimahullah ta'ala. Cheikh Jibrin, rahimahullah ta'ala, il dit, dans sa fatwa très connue pour les enfants, à la mosquée, il dit, si on sait qu'il n'urine pas, al-bawl, si on sait qu'il ne crache pas, d'accord? Si on sait qu'il ne casse pas, si on sait qu'il ne crie pas jusqu'à ce qu'il dérange énormément les prières, il n'arrive plus à se concentrer, et si on sait qu'il arrive à se tenir, et son père arrive à tenir l'enfant, à ce moment-là, il peut venir à la mosquée, wa illa fala yajuz. Il dit sinon, c'est interdit. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, le prophète, il a interdit de déranger son frère dans la mosquée, bi qira'at al-Qur'an. Il dit, que dire alors, yani, du cri des enfants à la mosquée. Donc, il dit, a fortiori, on dit, si c'est interdit de déranger avec le Coran, c'est interdit de déranger avec des enfants. D'accord? Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il prend comme preuve le hadith rapporté par Ahmed, ou le prophète alayhi salatu wasallam plutôt rapporté par Ahmed. Le prophète alayhi salatu wasallam, il a dit que personne n'osse le ton, yani, ou osse la voix avec la lecture du Coran à la mosquée. Et il dit, à la mosquée, donc il dit, si les enfants ne dérange pas à tel point qu'on n'arrive plus à se concentrer dans la prière, donc à ce moment-là, ils peuvent venir. Sinon, on leur interdit la mosquée. Et il dit, si un enfant meurt, si un enfant a 2 ans, 1 an, 3 ans, mais il arrive à se tenir. C'est-à-dire, il joue un peu, etc. Mais quand c'est l'heure de la prière, ou bien en dehors de la prière, il y a des gens qui prient, il arrive à se tenir un minimum, c'est-à-dire, il crie pas, il dérange pas énormément, donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Donc ici, il faut agir avec arrive. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما في صحيح مسلم يا عائشة إن الله رفيق ويحب الرفق في الأمر كله. أو عائشة الله est doux et indulgent, il aime l'indulgence dans toutes choses. Donc ici, il ne faut pas rentrer dans l'excès. On dit les jeunes et les enfants, ils rentrent à la mosquée. À 7 ans, pas de problème, mais ils doivent prier obligatoirement. En dessous de 7 ans, s'ils savent se tenir, même s'ils jouent un peu. Surtout entre les prières, il n'y a pas de mal. Tant qu'il casse pas, tant qu'il urine pas, tant qu'il crie pas, tant qu'il crache pas, et ils savent se tenir, et ils obéissent, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Même s'ils jouent un peu, il n'y a pas de mal. S'ils dérangent trop, ils crient, ils se tiennent pas, فَهَذَا لَا يَجُوزُ. Ça, c'est interdit. Et là, يَجُوزُ, ça ne veut pas dire qu'une personne vient et va crier sur l'enfant, il va... Non. ولكن, ici, si les responsables ne prennent pas leurs responsabilités comme il se doit, faut pas s'étonner s'il y a des gens qui craignent. D'accord? C'est pour ça que c'est avant tout l'imam, imam ou le masjid qui a cette responsabilité, et aussi qui? L'ab, les parents. D'accord? C'est eux qui doivent assumer leurs responsabilités. Quand ils assument leurs responsabilités, là, à ce moment-là, khlas. D'accord? S'ils n'assument pas leurs responsabilités, donc là, ils ont fait une erreur, ils devront en rendre des comptes. Parce que la mosquée, c'est ahabbu al-biqa' ila Allah azza wa jal al-masajid comme قال عليه الصلاه والسلام. Donc ici les mosquées doivent être respectées. Donc ici on n'a pas le droit d'uriner, on n'a pas le droit de cracher, on n'a pas le droit de crier, c'est pas mal'ab, un terrain de jeu la mosquée aussi. D'accord? Mais ici quand il y a personne à la mosquée vide, les enfants veulent jouer un peu etc., il n'y a pas de mal. Mais quand il y a des gens qui lisent le Coran, qui prient, donc ici à ce moment-là il y a une tenue minimum à avoir. Clair? Et le prophète عليه الصلاه والسلام dit dans Sahih Muslim, les mosquées ont été bâties pour un but précis. La première fois, j'avais dit le hadith rapporté par Muslim, c'était pas rapporté par Ahmed, hein. Quand le prophète, il avait dit que personne n'osse le ton, d'accord, avec la lecture du Coran. Le hadith rapporté par Muslim, le prophète, il a dit les mosquées ont été construites pour un but bien précis. C'est-à-dire, dhikrullah azza wa jal, al-Qur'an, al-tasbih, al-tahmid, al-tahlil, al-salah. D'accord? C'est pour un but bien précis. D'accord? Et ça, les savants utilisent ce hadith-là pour nous dire aussi que yani, on ne peut pas faire ce qu'on veut à la mosquée. C'est un comportement de juste milieu à avoir. Clair? Si un enfant, il est dans une mosquée. Et par exemple, il joue. Mais il ne faut pas avoir maintenant, dès qu'on voit un enfant dans la mosquée, il sort à la mosquée. Ah ben, il y avait des enfants à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Mais il disait, ici, il y a des limites à pas dépasser. C'est tout. D'accord? Faut pas qu'il perturbe énormément, surtout pendant la prière, etc. Si on voit un enfant qui, par exemple, toi tu viens avec ton fils à la mosquée, il y a des gobelets à la mosquée. Et l'enfant, il commence à arracher tous les gobelets, comme beaucoup d'enfants. Inch'Allah. Donc n'importe qui vient avec son enfant, et s'il est très petit, 1 an et demi, 2 ans, il va avoir des gobelets, il va jouer avec, il va les casser, etc. Qu'est-ce qui incombe au père? De racheter des gobelets. Ça c'est clair ou pas? Ça c'est l'argent des musulmans. C'est pas ton argent à toi. D'accord? Quand ton enfant est chez toi, il casse des gobelets, fais ce que tu veux. Voilà, quand il est à la mosquée, on ne dit pas d'arriver crier sur l'enfant. Celui qui fait ça, c'est un égaré. Jahil. Et personne n'a le droit d'hausser le ton sur des enfants sans qu'il y ait eu d'exhortation avec douceur et sagesse et gentillesse. Comme Ba'd al-Juhal, il voit dans des mosquées les enfants, il se lève, il crie, va, le petit mosquée, il voudra plus revenir. Non, avec douceur et sagesse. D'accord? Walakim, le père, il doit assumer. Et c'est le père qui doit réformer l'enfant. C'est pas mon fils, oh, c'est pas grave, 1 fois, 2 fois, 100 fois, oh, c'est pas grave. Non, il faut qu'il soit autoritaire. Si le père, il n'a pas d'autorité sur l'enfant, qui va avoir de l'autorité sur l'enfant? On va entendre que, comme certaines personnes disent, attention, sinon je vais appeler Abdelkader. D'accord, par exemple, ils vont connaître une personne, et ici, ils vont lui dire, attends, je vais appeler Foulen. Et le petit, il a plus peur de Abdelkader ou de Mohamed, qui n'a rien à voir avec lui, c'est ni son père, ni son frère, ni son oncle, ni son, que du père. Et il est content. Ah, il a peur maintenant, mashallah. Subhanallah. Déjà, tu l'éduques même pas dans, attention, il y a Allah qui te voit. Fahou as-sami' ul-basir. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Luqman al-Hakim à son fils. Ya Bunay, il a dit, ah, même ne fût-ce le poids d'un gramme d'un atome de moutarde. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal va le faire venir, c'est-à-dire le bien ou le mal, le poids d'un atome de bien ou de mal, Allah Azza wa Jal le fera venir, d'accord? Et qu'il, c'est un dhun, pour lui rappeler que quoi? Tout ce que tu vas faire, même quand personne te verra, ce mal-là, Allah le fera venir. Donc Allah te voit toujours. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. D'accord? Tu lui donnes la télécommande et tu l'habitues. Tu regardes le dessin animé, pas de problème, et quand tu vois qu'il y a des musiques ou alors des publicités, etc., mauvaises, etc., apprends-lui à être autonome et à dire ça c'est haram, change. Et de lui-même, il change. Même que tu sois pas là, il change. Parce qu'il sait que c'est Allah qui a dit que c'était haram. Faut éduquer ses enfants en ayant la peur d'Allah. Pas de Mohamed ou de Abdelkader ou là de B'ou ou là de je sais pas qui. Là, certains sortent des trucs. Le petit miskin est traumatisé. Il croit qu'il y a des loups, des chiens dans sa chambre. Non, d'où ça sort ça? Ça, c'est tu vas faire plus de traumatisme à l'enfant qu'autre chose. Allah te voit, c'est haram. Ne dis pas foulain. Il y a des gens, wallah al-adim, leur enfant, dès qu'ils voient une personne, ils sont choqués, ils écoutent, ils baissent la tête. Tu dirais, cet enfant, subhanallah, il écoute. À peine je le regarde, il écoute. Mais quand c'est ses parents, rien à faire. La guerre, haram. On dirait un singe. Il saute partout. Il y a un problème. Donc nous disons, le problème, il vient de qui? Vous avez compris, machin. Des parents. D'accord? Donc nous disons, un enfant qui détériore quelque chose, le père, il doit rembourser. Donc nous avons dit, ici, que Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Uthaymin, Jibrin, rahimahumullah, jami'an, ici, ils ont allié entre les hadiths pour dire les enfants, ils rentrent à la mosquée, pas de mal. La haraj. Walakin bishart, d'accord? La yushawishuna ala al-akharin. Jusqu'à ce que les gens ne peuvent plus prier normalement, ou ils cassent, ou ils urinent, ou ils brisent, etc. D'accord? Parmi les règles aussi qu'ils ont déduit les savants, c'est que un enfant, il n'a pas le droit de prier dans un rang, sauf s'il prie avec les ablutions. D'accord? Il sait faire les ablutions. Il comprend que quand les ablutions sont annulées, il doit sortir de la prière pour refaire les ablutions. D'accord? Donc, en général, il a 7 ans, ces stages-là. Il y en a 5 ans, ils comprennent ça. Pas de mal. D'accord? Mais en général, c'est 5 ans, 6 ans, à partir de 5 ans, en général. C'est vraiment qu'ils arrivent à comprendre nawaqid al-wudu, etc., quand on sort de la prière, etc. Si l'enfant, même, il a 6 ans, il a 5 ans, il prie dans le saf al-awwal, mathalan, ou fi safouf. D'accord? Entre les musulmans, avec les musulmans. À ce moment-là, s'il sait faire le wudu, il prie, il n'y a pas de mal, il reste. Voilà qu'il, s'il ne sait pas faire le wudu, ou s'il n'a pas le wudu, فلا يجوز أن يصلي مع الناس في الصفوف. Il n'a pas le droit de prier avec les gens dans les rangs. Ça, on l'a déjà cité. Il n'a pas le droit de prier avec les musulmans dans le rang. Pourquoi? Parce que là, il coupe quoi? Il coupe le rang. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, naha an salah, bayna, entre les piliers. Le prophète, il interdit de prier entre les piliers. Fahad alayhi ajouz. Sauf, d'accord? Fait voir que t'es darour, là, il n'y a pas de place dans la mosquée, c'est rempli, khlas. Mais ça, c'est pour la prière obligatoire, al-farida. C'est pas pour nawafil. Nawafil prie entre les piliers. Mais, dans la prière obligatoire, t'as pas le droit de couper les rangs. Donc t'as pas le droit de prier entre les piliers, sauf s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de place dans la mosquée. Clair? Pour ça, normalement, et comme on dit, on a besoin de science dans toute chose, même dans la construction. Quelqu'un va dire, ouais, mais non, en gros, le responsable religieux, c'est pas un architecte. Et on a besoin du responsable religieux pour qu'il dise, tu harmonies bien les piliers, ou tu mets bien les piliers dans tel endroit, de sorte que quoi? Que les rangs ne soient pas coupés. Ici, alhamdoulilah, la mosquée, est-ce qu'il y a des rangs qui sont coupés? Il n'y a pas de rangs qui sont coupés. Vous voyez, entre les piliers, il n'y a pas de rang, on ne prie pas entre les piliers. Sauf la prière sur rogatoire, pas de mal. Là, il n'y a pas de mal. Il s'est prophète, il est interdit sur la prière obligatoire. Donc ici, ça coupe les rangs. Le prophète, il a interdit de couper les rangs. Donc c'est une personne qui n'a pas le wudu. Donc il n'a pas le droit. Donc, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, kana yaqul. Quand il voyait des enfants, al-atfal, dans les rangs, fils-sofouf, avant la prière, il est dit qu'il, que Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, il interrogeait sur l'enfant. Il voyait un enfant dans les rangs. Il disait, هذا الشاب, d'accord, هل يصلي مع الوضوء, est-ce qu'il prie avec l'wudu, est-ce qu'il sait faire les ablutions? Il interrogeait quand il voyait un jeune. Il demandait au père, au responsable. S'il disait oui, il s'est prié à chier, خلاص. Ou illa, il disait quoi? Sinon, après les jours, sortez le jour et mettez-le. Écoutez bien ce qu'il disait. Mettez-le devant vous. Pourquoi il disait mettez-le devant vous? Mais regardez, l'ulama, il disait mettez-le devant vous, ne le mettez pas derrière. Pourquoi? Ah, pour le surveiller. Pour le surveiller, sutra. Sutra, c'est l'imam, c'est sutra, dans la prière obligatoire. Pour le surveiller. يعني أن يمر الأولاد أو الإنسان بين الصفوف في الصلاة الفريضة فهذا جائز بإجماع لا يبقى مال ça c'est il y a pas de souci entre les rangs de passer c'est autorisé dans la prière obligatoire أما في النافلة dans la prière surrogatoire فهذا لا يجوز il faut une sutra كما قال عيسى لا تصلي إلا إلى سطرة إلا إلى سطرة ne prie que vers une sutra ولكن dans la prière en groupe la sutra c'est l'imam, c'est pour ça Abdullah ibn Abbas, des compagnons, il a rapporté qu'il passait entre Sofouf et le prophète ne leur disait rien. D'accord? Hada yadullu ala anna dhalika yajuz. Cela c'est autorisé. Donc ici, on dit que les enfants, quand on voit des enfants qui sont très petits ou qui ont moins de 7 ans, on interroge. L'imam, il doit interroger, ou alors les gens qui sont à côté, il faut qu'ils rappellent et qu'ils transmettent cette information. Est-ce qu'il a le wudu? Il a le wudu, na'am. Il n'a pas le wudu? Il se met devant. Il se met devant son père. Il reste assis. Ou bien, si vraiment il arrive quand même à se tenir, il se met derrière, voilà qu'il le mieux, c'est qu'il se met devant assis. Khlas, il se met devant, assis comme ça, il y a au moins un minimum de surveillance. Et à ce moment-là, ça peut se passer que bien. D'accord? Donc, ça, c'est la recommandation que faisait Luqman à son fils. Aqim al-salah. Il lui a ordonné de faire la prière. Et Luqman, il s'appelait Luqman, on l'appelle Al-Hakim, le sage. Donc, la preuve que celui qui ordonne à ses enfants de faire la prière à 7 ans, c'est une preuve de sagesse. Car il a suivi le chemin de Luqman. Et Luqman, il a ordonné à son fils d'adorer Allah sans rien lui associer. Il a ordonné à son fils de faire la prière. Il a ordonné à son fils. Et ça, c'est Allah Azzawajal qui nous a révélé cela pour qu'on sache que on doit ordonner à nos enfants à adorer Allah sans rien lui associer, à faire la prière. Et ensuite, il lui a ordonné quoi? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Pourtant, c'était un jeune. Il a dit, Amour bin Ma'ruf, Wanaha anil munkar, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Ah, at-tahliya tu qabla at-tahliya. D'accord, on s'occupe de nous d'abord. Donc d'abord, il lui a ordonné de faire quoi? D'ordonner le bien et d'interdire le mal, et après de faire la prière, ou de faire la prière et après d'ordonner le bien et d'interdire le mal? As-salah. Donc occupe-toi de toi d'abord, avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'abord, salah. Occupe-toi de toi, mon fils. Ça a été bien. Ordonne le bien, le convenable, interdit le blâmable. Al-Ma'ruf. ما معنى المعروف وما هو المعروف وما هو المنكر c'est quoi le معروف le convenable et c'est quoi le منكر le répréhensible al معروف c'est tout ce que Allah et son messager ont ordonné d'accord c'est ça la définition que disent les ulama et qu'a donné Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tout ce que Allah et son prophète ont ordonné ont recommandé ça c'est le معروف si tu veux savoir oui mais Allah nous a ordonné d'ordonner le convenable d'interdire le blâmable c'est quoi le convenable tout ce que Allah et le prophète ont ordonné, c'est fait partie du ma'ruf. Donc, khalas. Maintenant, tu sais. Allah, il a ordonné de faire la prière, tu dois ordonner la prière. Allah, il a interdit de boire de l'alcool, tu dois interdire de boire de l'alcool. Wa hakadha. Et al-munkar, c'est al-aks, vous avez compris. Al-munkar, c'est quoi? Tout ce que Allah et son messager ont interdit de faire. Hada huwa al-ma'ruf, wa hada huwa al-munkar. Clair? Et donc ici, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar. Wa nahy 'an al-munkar, ici c'est quoi? Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ici, on ne regarde pas ce que connaissent ou ce qui est connu chez les gens. Pour prendre ça comme preuve et ordonner le bien et interdire le mal. Ça, c'est une erreur. Parce que nos références, c'est quoi? Al-Qur'an wa sunnah. C'est le Qur'an et la sunnah. Donc, à chaque fois, tu puises, d'accord, du Qur'an et de la sunnah, bi fahmi salaf al-umma wa bi aqwali al-ulama, pour ordonner le bien et interdire le mal. Mais si tu regardes ce qui est connu chez les gens, tu vas te tromper. Par exemple, maintenant, ici, tu vas voir une personne qui va, par exemple, prendre une certaine posture dans la prière qui est contraire à la sunna, même si elle n'est pas obligatoire. D'accord? Par exemple, il va prier Salat al-Maghrib. Et ici, dans la dernière rak'a, ici, c'est quoi qui est demandé? De faire quelle position? De se mettre un peu incliné, d'accord? Sur le côté gauche. Et ici, de faire passer son pied gauche en dessous le tibia, si on veut un peu, donc incliné. Vous connaissez la dernière posture ou la posture qu'on fait dans la dernière rak'a, quand c'est une rak'a impair ou de 4, 3 ou 4, pas dans Salat al-Subh. Salat al-Subh, la dernière, on reste normal. Si quelqu'un, toi tu vas le voir à la dernière rak'a, Salat al-Maghrib, un imam, et il reste normal, comme on reste dans la deuxième rak'a. Il fait pas cette position que le prophète faisait au troisième. Tu vas dire, ah bah khlas. Donc cet imam il fait ça, donc moi je vais dire aux gens, fais ta prière. Et le prophète il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc à ce moment-là, si l'imam il fait ça, donc ça veut dire que le prophète priait comme ça, donc ça veut dire que moi je vais dire à une personne, tu dois prier comme le prophète a prié. Donc à ce moment-là, regardez, il prend un peu de la sunna, le reste il prend pas. Donc ici, dans la dernière rak'a, même à la troisième, tu dois te mettre dans cette position parce que j'ai vu un imam. Est-ce que c'est bon ou pas? Non. Donc ici, tout ce qu'on ordonne ou on interdit doivent provenir simplement et seulement du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des ancêtres pieux et la parole, pas l'action, parce que l'action peut-être il y a une excuse, et la parole des gens de science. À ce moment-là, tu vas bien comprendre les choses. À ce moment-là, bi'idnillahi azza wa jal, ici ta da'wa sera structurée. Et c'est ce qui est demandé ici aux gens, de pas dire oui mais j'ai vu un tel foulain. Oui, et ça c'est essentiel. Quand on a bien compris ça, khlas, on va être yani نتخلص يعني من بعض الأقوال de certaines paroles ici de gens qui disent ولكن في dans cette mosquée j'ai vu ça ولكن الناس في المغرب يفون ça وفي تونس يفون ça ولكن سبحان الله أطيع الله وأطيع الرسول. Il n'a pas dit autre, c'est Allah et son messager. بفهم السلف الأمة وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ne regarde pas foulain ou là dans un endroit ou là ceci ou là cela. Donc ici, nous regardons le Coran et le Sunnah, des femmes et salaf et l'Umma, revient toujours au livre d'Allah et la Sunnah. Est-ce que tu as puisé avec une bonne compréhension? Transmets-le. Et ce qui est interdit dans le Coran et dans la Sunnah? Dans le Coran et dans la Sunnah, pas ce qui est connu des gens, parce que sinon tu vas pas en finir. D'accord? Parce que ici, maintenant, beaucoup de traditions ont été prises comme religion. Et maintenant, beaucoup de choses halal, les gens les ont rendues haram, et le haram, ils les ont rendues halal. Quand tu viens avec une chose licite, les gens, pour eux, c'est quelque chose de catastrophique quelquefois. Et des choses catastrophiques pour des gens, c'est pas trop grave. On connaît ça à notre époque. Donc, non, tes références, le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme on a dit, yani, da'iman, yani, bifahmi, salafi l'umma. Avec la compréhension des ancêtres pieux, car ce sont eux qui ont mieux compris cette religion. Allahu ta'ala, a'lamu ahkam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.